France Info. France Info. Clémentine Bacry et Adrien Normier viennent de boucler un tour du monde en avion ultra léger. En un an, ils ont visité ainsi 35 pays. En échange du gîte et du couvert, ils ont offert leur service aéronautique à des scientifiques, des chercheurs qui n'avaient pas les moyens de se payer un avion ou un hélicoptère. Au Groenland, ce devait être une simple escale technique, mais c'est devenu plus compliqué. Le Groenland, effectivement, c'est tout blanc. Il n'y avait qu'une seule piste, donc il ne fallait pas la rater. Il y avait beaucoup de stress par rapport à ça parce qu'on n'était pas sûr que la météo nous permette de nous poser. Et c'était un long vol océanique. Donc on arrive, il fait froid, c'est désert. Ça correspond à rien de ce que je pouvais imaginer avant. Ensuite, on continue le long de la côte et on va à Nuuk, la capitale. On n'avait pas de mission scientifique au Groenland. Par contre, on a été... C'est rigolo, il y a une sorte de mission scientifique à rebours qui est un peu arrivée, puisqu'on avait un problème de taxe d'atterrissage. Comme ils n'ont pas l'habitude des petits avions, il n'y a pas de catégorie de prix qui est pour un ULM. Les premières catégories, c'est en dessous de 50 tonnes. Donc évidemment, nous, on était un peu embêtés. Et on était en train de négocier avec les autorités pour aéroporteurs pour essayer de trouver une solution parce qu'on ne s'en sortait pas financièrement. C'était le début du projet. Si déjà on avait ce genre de problème, ça allait se compliquer. Et on rencontre Jens, qui est un pilote de Air Greenland, qui nous accueille chez lui, qui nous montre un peu le pays et qui nous dit « Attendez, moi je connais des scientifiques qui pourraient avoir besoin de vos services ». Donc on les rencontre et ils nous disent bah, « Écoutez, nous, ce qui serait génial, c'est si vous pouviez modéliser en 3D un glacier ». Et alors on lui dit « Bon, bah, écoutez, nous, on peut s'en occuper, il n'y a pas de problème. Mais si en échange, vous pouvez nous aider à convaincre les autorités aéroportuaires de baisser les taxes, nous, ce serait un deal intéressant pour nous ». Donc elle nous dit, bah, écoutez, ça, je peux m'en occuper. Faites le modèle et puis on voit. Donc on fait le modèle 3D. C'était compliqué parce qu'un modèle d'un glacier, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Il y a un problème de réflexion de la lumière. C'est tout blanc, donc ça n'attrape pas correctement les formes. Donc il a fallu réessayer à plusieurs reprises pour arriver à mettre au point une technique qui permettait de modéliser ce glacier. Ça a bien marché. Et ensuite, on est retourné la voir, on lui a montré le modèle et elle nous a dit bah, « c'est super, accompagnez-moi, je vais avec directement le responsable de l'aéroport et je vais lui parler ». Donc ils ont discuté entre eux et ils ont accepté de baisser les taxes pour que ça soit un prix plus raisonnable. Et après ça, donc, on était prêts pour aller au Canada. Il a fallu attendre un petit peu parce que la météo ne nous permettait pas du tout de traverser encore une fois l'Atlantique. Et donc on a dû remonter un peu plus haut à Iloulissat, la ville des glaciers. C'est un endroit vraiment sublime. On a attendu quelques temps et dès que la météo s'est éclaircie, on a pu décoller. Clémentine et Adrien se sont finalement envolés pour le Canada pour étudier les baleines. Ce sera le sujet de la semaine prochaine à la même heure.